Là, mettons, tu as une expérience à vivre, là. Mettons, faire un voyage. Bon. Là, tu sais pas trop, là, bon. Si tu t'embarques dans tu sais pas trop, si tu te lances, tu deux autres, tant que tu taponnes, t'embarques dans leur jeu. Non. Si tu taponnes entre l'âme eux autres, si vous, c'est bon que tu rapportes ce point-là. Ouais, mais peut-être que je veux juste finir. Okay. Si tu taponnes, là, puis la manée, tu dis, wow, ça fait. J'ai-tu le goût de prendre l'avion, oui ou non? J'apprends. Puis si c'est eux autres, anyway, je vais en là, à ce moment-là, t'arrêtes de taponner. Tu fais ça. C'est ça. Tu fais tout. C'est ça. Exactement. À ce moment-là, que ce soit eux autres, que ce soit le Père Noël, que ce soit le plan, tu t'occupes de tout. C'est exactement la même chose. Comme il est dans, il y a du monde qui me dit, ça vient-tu de l'Astral, ça, ou non, ça vient-tu du canal, tu sais? Bon. Occupe-toi en pas si ça vient de l'Astral ou du canal. Arrange-toi pour voir à travers le jeu. Fait qu'à ce moment-là, t'es correct. Bon, mais c'est la même chose. Sans ça, ça finit plus. Exactement. Mais il faut le savoir. Vraiment, faut le savoir. Parce que c'est comme, regarde, là, c'est comme moi, là, je vous parle, moi, là. Je vous parle, là. Puis je suis de même. Je les écoute pas, eux autres. Ils ont pas, j'ai pas besoin de les écouter. J'actualise. Là, c'est pas ce que je fais, là. C'est parce que je me repose. Je sais pas ce que je fais, en tout cas. Tu comprends? J'ai pas besoin des autres. Ils sont là, j'actualise l'énergie anyway. Mais il faut qu'on en arrive à vivre de même. Hein? Faire. Parler, c'est faire. Avec la bouche. Mais l'affaire qu'il y a des formes qui font partie de notre mémoire, tout le monde dit de notre tempérament, de notre caractère, puis qu'il y a des formes qui sont créées par le rayon pour nous...